Nous allons poursuivre la traduction de la conférence de Sir Shalih Al-Fawzan, Hafidhahullahu Ta'ala. Donc le Cheikh, il dit, après donc qu'il nous ait rappelé, la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de secourir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas besoin de notre secours, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de le secourir de lui-même, et il l'a certes secouru. Mais le Cheikh, il nous a bien expliqué, comme vous avez entendu hier, il nous a bien expliqué qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de secourir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que cela, c'est dans notre intérêt à nous-mêmes, afin que nous obtenions les meilleures récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ensuite le Cheikh, il dit: هذه هي الحكمة في أن الله طلب منا نصرة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلا فالله قادر على نصرته. Donc ceci est la raison pour laquelle Allah nous a demandé de secourir son messager صلى الله عليه وسلم. Mais sinon Allah de lui-même est capable de le secourir. قال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il nous dit: si vous ne lui portez pas secours, Allah l'a déjà secouru lorsque ceux qui avaient mécru l'avaient banni, deuxième de deux, quand ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon: ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. Allah fit alors descendre sur lui sa sérénité et le soutint de soldats que vous ne voyiez pas. Et il abaissa ainsi la parole des mécréants, tandis que la parole d'Allah eut le dessus, et Allah est puissant et sage. فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا. Donc Allah l'a secouru. Allah l'a secouru lorsque les mécréants l'ont banni. لما هاجر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر لما أذن الله له بالهجرة أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يلحق بأصحابه. Lorsque les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم ont émigré et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté avec Abu Bakr à Mekka, à la Mecque, puis Allah subhanahu wa ta'ala lui a autorisé d'émigrer, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu donc rejoindre ses compagnons. Sami'a al-mushrikuna bidhalik fa aradu man'ahu an yalhaqa bi ashabi. Les polythéistes ont entendu cela, ont entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait émigrer et rejoindre ses compagnons, et ils ont voulu l'en empêcher. يَخَافُونَ أَن تَكُونَ لَهُ دَوْلَةٌ وَأَن يَكُونَ عِنْدَهُ أَنْصَارٌ وَأَعْوَانٌ فَتَمَالَؤُوا وَتَشَاوَرُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ فَجَاءَهُمُ الشَّيْطَانُ بِرَأْيٍ اتَّخَذُوهُ وَهُمْ أَنَّهُمْ يَجْمَعُونَ مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ شَابًّا قَوِيًّا ويكون معه سلاح فإذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته ضربوه ضربة واحدة بجميع ما معهم من السلاح حتى يتفرق دمه في القبائل فلا تقدر قريش على أخذ الثأر من القبائل كلها. Donc les polythéistes, lorsqu'ils ont entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulaient émigrer, ils ont voulu l'en empêcher, afin qu'il ne rejoigne pas ses compagnons. Ils avaient peur qu'il fonde un pays, un État. Ils avaient peur qu'il fonde un État. Et qu'il se retrouve avec des alliés et des secoureurs. Et donc ils se sont consultés entre eux. Et le shaitan leur est venu et leur a donné un conseil. Leur a conseillé une chose qu'ils ont suivie. Et cette chose, c'est quoi? C'est qu'ils rassemblent de chaque tribu un jeune homme fort. Et chaque jeune homme aura avec lui une arme. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortirait de sa maison, alors chaque jeune homme frapperait le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un seul coup. Afin que quoi? Afin que le sang du prophète sallallahu alayhi wa sallam soit partagé entre toutes les tribus. Et que Quraysh, hein, et que la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Quraysh ne puisse pas se venger contre toutes les tribus. عزموا على هذا وجلسوا عند بابه. Donc c'était l'intention ferme qu'ils avaient de faire cela. Et ils se sont assis, hein, tous ces jeunes hommes, ils se sont mis à la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, attendant sa sortie. أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بمكيدتهم. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam leur ruse. Allah a révélé leur ruse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. فأمر صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه أن ينام على فراشه حتى يروه ويظنون أنه الرسول. وباتوا ينظرون إليه وهو على الفراش وخرج صلى الله عليه وسلم من بينهم وهم لا يشعرون. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Ali radiyallahu anhu de dormir sur son lit pour que ces jeunes qui étaient donc devant la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam voient qu'il y a toujours quelqu'un dans le lit et qu'ils pensent que c'est le prophète. Et ils ont passé la nuit à le regarder sur son lit, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti au milieu d'eux sans qu'ils ne s'en rendent compte. Alqa Allahu alayhim adh-dhillata wal mahana fa akhrajahum min baynihim wa dharra at-turaba ala ru'usihim wa hum la yash'urun. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a jeté sur eux l'humiliation. Et il a fait sortir le prophète sallallahu alayhi wa sallam au milieu d'eux. Il a répandu de la terre sur leur tête sans qu'ils ne s'en rendent compte. Wa kharaja huwa wa sahibuhu Abu Bakr mukhtafiyain. Et c'est alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son compagnon Abu Bakr sont sortis en cachette. Wa dhahaba ila ghari Thawr janubi Makkah. Januba Makkah. Wa ikhtabaya وَاخْتَبَأَ فِيهِ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. Et ils sont partis, le prophète et Abu Bakr, ils sont partis dans la grotte qui s'appelle la grotte de Thawr, au sud de la Mecque. Et ils se sont cachés dedans des mécréants. وَالْمُشْرِكُونَ بَثُّوا الْجَوَاسِيسَ الْجَوَاسِيسَ وَبَثُّوا الَّذِينَ يَبْحَثُونَ عَنِ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعَلُوا الْجَوَائِزَ الْعَظِيمَةَ لِمَنْ يَأْتِي بِهِ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا فَلَمْ يُفْلِحُوا. Et les hypocrites, Afwan, et les polythéistes ont envoyé des espions. Ils ont envoyé des gens pour aller à la recherche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont promis les plus grandes récompenses pour quiconque ramènerait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mort ou vivant. Mais ils n'ont pas réussi. حتى جاء المشركون ووقفوا على الغار الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه. Jusqu'à ce que même les polythéistes se sont retrouvés juste devant la grotte dans laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son compagnon Abu Bakr. فعند ذلك خاف أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا. Et c'est alors que Abu Bakr, radiallahu anhu, a eu peur pour le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, ô messager d'Allah, ô messager d'Allah, si l'un d'entre eux regardait au niveau de ses pieds, il nous verrait. Faqala sallallahu alayhi wa sallam, ya Abu Bakr, ma dhannuka bithnayni Allahu thalithuhuma. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ô Abu Bakr, que penses-tu de deux hommes dont Allah est leur troisième? وأنزل الله في ذلك قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله الآية. Et alors à ce moment-là, Allah a révélé donc ce verset. Si vous ne le secourez pas, Allah l'a certes déjà secouru lorsque ceux qui ont mécru l'avaient banni. وفي الآية الأخرى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. Dans l'autre verset, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la traduction rapprochée du sens, et rappelle-toi le moment où les mécréants complotaient contre toi pour t'emprisonner ou t'assassiner ou te bannir. Ils complotèrent, mais Allah a fait échouer leur complot. Et Allah est le meilleur en stratagème. فَمَكَرَ لِرَسُولِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَأَخْرَجَهُمْ مِنْ بَيْنِهِمْ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala a rusé contre les mécréants pour protéger son prophète. Et il est sorti au milieu d'eux sans qu'ils ne s'en rendent compte. فهذه نصرة من الله جل وعلا لرسوله. Donc ceci est un secours venant d'Allah à son messager. لحق بأصحابه واجتمع حوله المهاجرون والأنصار. المهاجرون الذين هاجروا من مكة والأنصار الذين هم أهل المدينة. اجتمعوا في المدينة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, donc ceci Afwan est un secours venant d'Allah pour son prophète jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pu rejoindre ses compagnons. Et autour de lui se sont réunis les muhajiroun et les ansar. Les muhajiroun, ceux qui ont émigré de la Mecque. Et les ansar, ce sont les gens de Médine, les habitants de Médine. Ijtama'u fil madinati hawla rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Fakawwana minhum jayshan azima. Donc ils se sont réunis tous autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fondé avec eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fondé avec eux une immense armée. Une armée immense. Faja'a sallallahu alayhi wa sallam fi sanati thaminati min al-hijra. Wa ma'ahu 10 alaf min junudillahi. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'an 8 de l'Hégire, 8 ans après son émigration, 8 ans après la Hijra, 8 ans après l'Hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à la Mecque avec 10 000 hommes armés jusqu'aux dents. Unzuru. Unzuru. Kharaja thani athnain. Wa ba'da sanawatin qalila. Ja'a bi jundin mujannadin. Min sahabatihi al-muhajirin wal-ansar. 10,000 مدججين بالسلاح وفتح الله له مكة وعند ذلك تمكن من المشركين. Donc regardez, il est sorti, hein, lorsqu'il a émigré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti alors qu'il n'était que deux, lui et Abu Bakr. Et après quelques années, il est revenu à la Mecque avec une armée constituée de ses compagnons, les Muhajirin et les Ansar, une armée de 10 000 hommes, une armée de 10 000 hommes armés jusqu'aux dents. Puis Allah subhanahu wa ta'ala l'a aidé à reconquérir la Mecque. Wa 'inda dhalika tamakkana min al-mushrikin. ولو شاء لقتلهم جميعا ولكنه صلى الله عليه وسلم حليم لكنه صلى الله عليه وسلم كريم فاجتمعوا في المسجد الحرام ينتظرون ماذا يفعل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما فعلوا الأفاعيل فوقف صلى الله عليه وسلم وأخذ بباب الكعبة وقال يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il a reconquis la Mecque, à ce moment-là, les polythéistes étaient à sa merci. Et s'ils le voulaient, ils les auraient tués. S'ils le voulaient, ils les auraient tous tués. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam est généreux. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam est indulgent. Ils se sont réunis dans la mosquée sacrée de la Mecque en attendant ce qu'allait faire d'eux le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après qu'ils aient fait tout type d'actes barbares. Après qu'ils aient fait tout type d'actes barbares, ils attendaient ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam allait faire d'eux. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tenu debout. Et en tenant la porte de la Kaaba, il a dit: ô peuple de Quraysh, que pensez-vous que je vais faire de vous? Ils ont répondu: du bien. Un frère noble et le fils d'un frère noble. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: partez, vous êtes libres. Partez, vous êtes libres. Fa'afa anhum sallallahu alayhi wa sallam ba'dama tamakkana minhum waqad dayaquhu lakinnahum lam yadurruhu. والحمد لله عصمه الله منهم وحماه منهم ونصره وأعزه. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a excusés après qu'ils furent à sa merci, alors qu'il l'avait persécuté et alors et alors qu'il lui avait porté préjudice. Mais quoi qu'il arrive, ils n'ont pas pu lui nuire. Walhamdulillah. car Allah l'a protégé d'eux, et Allah l'a préservé de leur mal, et Allah l'a secouru, et lui a donné la suprématie sur eux. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.